Bonsoir et bienvenue à Terrain Incognita, votre émission hebdomadaire de prog. Ce soir, on a plein de bonnes choses, évidemment, comme à chaque semaine. Et on va faire un petit tour tout de suite du côté de l'Angleterre. Je sais que Jean-François en a passé la semaine dernière. Je vais passer une pièce différente, là, mais c'est le Big Big Train Folklore. À mon avis, le groupe britannique le plus représentatif de ce qui se passe en termes de prog là, en Angleterre, c'est peut-être le pays où est-ce que le prog est né, mais c'est pas aujourd'hui le pays qui, comment qu'on pourrait dire, qui est vraiment la pépinière. Hein. C'est plus l'Italie et ça a été la Suède, la Norvège pendant un bout. Et puis, ben, en tout cas, à tout le moins, en Angleterre, ils ont un représentant de taille. Et puis, je parlais de la Scandinavie et un groupe qui a d'ailleurs recruté le Richard Schorschblum de Birdfish. Et membre, je ne sais pas s'il est membre. Oui, je pense qu'il est membre, pas membre honoraire, mais membre. excusez. Membre du groupe à part entière, donc, sur ce folklore. Tu sais qu'on va, on va écouter une pièce tout de suite et on va voir aussi un autre Big Big Train qui va suivre, là, parce qu'ils ont lancé deux disques, un en concert et un en studio. Et puis bien d'autres choses, restez des nôtres, donc 2 heures avec Michel et Bruno. Allez, on y va avec Big Big Train. Pigeon is real. This day, At the age of one. Big Big Train, probablement mon groupe préféré pour la Grande-Bretagne. Il y en a tellement. Non, mais face à part, là, non, même en général, je vous dirais que ça arrive assez haut dans mon palmarès. Là, c'est un groupe magnifique, Big Big Train, qui enchaîne les disques, les excellents disques un après l'autre là, depuis plusieurs années. On peut pas vraiment trouver de faille là, dans peut-être les 5 ou 6 derniers. Vraiment, enfin, moi, j'aimerais bien les voir un jour en concert, mais c'est assez compliqué. C'est pas parce que je me suis pas essayé, là, mais c'est un peu beaucoup. Là, c'est parce qu'ils sont rendus 7 ou 8. Donc, c'est transporter tous ces gens-là. Là, c'est un petit peu plus compliqué que c'était il y a plusieurs années. Et tout juste avant, ce que vous avez entendu, c'était un extrait de Stone and Steel, un album réalisé, ça a été album concert dans les studios de Peter Gabriel, et puis c'est en DVD aussi, en Blu-ray, excusez, c'est pas sorti en DVD, seulement en Blu-ray. Avant ça, on avait Bruce Sword de Pineapple Thief, son disque solo, Bruce Sword, simplement, c'est son premier d'ailleurs en solo. Il y a quelques années, il y en avait enregistré un avec le chanteur de Catatonia, là, ça s'appelait Wisdom of Crowds avec Jonas Renkse. Mais c'est la première fois que lui est en solo, vraiment. Mais c'est pas définitif parce qu'il y a un nouveau Pineapple Thief qui va nous arriver au mois d'août, le 12 août pour être plus précis. Et on dit que parmi les invités, on retrouverait Gavin Harrison, le fameux batteur. Je pense que tout le monde est content de l'avoir. Il est présent sur tout le disque, ce que j'ai pu voir. Et aussi Jeffrey Richardson de Caravan. Et ça, c'est un peu surprenant, John Helliwell de Supertramp. Donc, ce seraient les invités pour le prochain Pineapple Thief qui va s'appeler Your Wilderness. Date de parution le 12 août 2016. Donc, ça s'en vient. On avait amorcé avec un autre Big Big Train de leur récent folklore, c'était la pièce Winky. Donc, on va aller faire un petit tour du côté de l'Italie. Je vous parlais justement que l'Italie était peut-être la pépinière aujourd'hui pour le prog. Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles jeunes formations qui nous arrivent et c'est surprenant. Parce qu'apparemment, ce que les amis italiens nous disent, c'est que ça marche pas si fort que ça chez eux, mais il y a plusieurs candidats pour monter des groupes. Et puis, ben, c'est justement ceux avec qui on va commencer. Evelyn Dust, c'est des jeunes début vingtaine. Et il y en a un qui me racontait que ils ont grandi en écoutant du King Crimson parce que c'est leurs parents qui écoutaient du King Crimson. Et je vous jure qu'on va les croire en écoutant cette pièce, là, un extrait de The Painkeeper. Le temps de vous rappeler que c'est Terra Incognita, Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit. Et évidemment, c'est sur les ondes de CKRL 89.1. feel. Have a taste of the great as they heal. No frozen wind and no rain. Nothing that comes in your pain. Better than those that we had. Why should we wanna dream back? Here again, here again. I wish it was eyes and our hopes. We're not much snakes in our heads. Then what should we want to bring back? Here again, here again. Thank you. scende l'inverno e non riconosco nessuno. Non mi ricordo di un giorno, solo un passato deserto. Ho sete e fame di tempo che muove ancora e di te. Il fiume sa quanto mi costa andare.

l'errore sia connaturato. Nell'aria, nella materia, stupisce poi pensare ad un popolo che in qualche luogo riesca a vivere. Devozione del pianeta che lo ospita. Quanti me, tutti i sessi svolgono anche adesso e quanti che si muovono a velocità. La realtà, anche se nella verità, accadrà, si aprono da me. Lontani e convergenti si schiudono. What's going on? Et voilà, c'est la conclusion de notre spécial Italie. Alors, c'est un beau bloc italien avec ce qu'on vient d'entendre, Marco Ragni, du disque, son plus récent, Land of Blue Echoes. C'est drôle qu'on retrouve le mot Echoes parce qu'on... Il y a certains moments de cette pièce où on pouvait effectivement penser à Pink Floyd, la période Echoes. Et des vieux routiers, tout juste avant, le Deus Ex Machina, après 8 ans sans album, qui nous reviennent avec Devoto. Je pense que c'était la pièce Multiverso, c'est ça exactement. Et c'est surprenant, moi je les avais quasiment oubliés, ben, à 8 ans. Et ils reviennent à la charge, donc, Deus Ex Machina, qui chante, ma foi, j'ai bien l'impression que c'est encore en latin, sauf erreur. Et, ben, je vous parlais des genoux, la relève en Italie, ben, il y avait, avant Deus, il y avait Nathan de l'album Nebulosa, c'est encore des jeunes, et puis Evelyn Dust de Painkeeper. Je vais vous présenter ce qui va arriver après la pause. Ça nous vient d'Angleterre. On parlait de Big Big Train tantôt. Le monsieur a été batteur pour Big Big Train. Il s'appelle Steve Hughes. Il va sortir 2 albums cette année. C'est le premier, Once We Were, Part 1. Et c'est assez surprenant. Je pense que on n'a pas fini de parler de monsieur Hughes. Mais ça va être après la pause. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Terra Incognita avec Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit. C'est KRL. Québec. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. À l'occasion des 20 ans des Journées de la Culture, l'organisme Culture pour tous lance un concours afin de dénicher nos 20 trésors culturels. La Ville de Québec, en partenariat avec CKRL, vous invite à identifier un trésor culturel local et à soumettre vos idées sur le site de CKRL. Ça peut être un lieu, un espace, une personne, un événement ou encore une œuvre d'art. Le concours se déroule du 1er au 30 juin. 20 trésors seront sélectionnés et dévoilés le 5 juillet dans l'émission du retour. Plusieurs prix à gagner. Soumettez vos trésors culturels et vos idées sur trésorqc.ckrl.qc.ca. Tous les matins à 7h30, du 13 au 17 juin, aux Matins éphémères, apprenez-en plus sur les activités estivales du Réseau des Maisons du patrimoine. Écoutez la chronique de Mme Delphine Delmas pour répondre à la question et courez la chance de gagner de nombreux prix chaque jour et un grand prix le 17 juin. Participez en grand nombre. Le Réseau des Maisons du patrimoine est soutenu dans le cadre de l'entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Cette soirée vous est présentée par... La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. All that time it took to realize I was not the answer to your broken life. Well, I've died years ago. When your dreams come true, and I really hope they do, you deserve it. I love the way your face would shine when we told you that we loved you. We loved you. We loved you. resolve our issues. I don't know why I gave up trying. I thought I was a pretty thing, the model in the family. Her new man waits outside the house. He sheds a tear 'cause she doesn't love him. On that lonely afternoon, he couldn't stop a leaving. Changed, but I know and don't look back. Run to the moon and the stars. Leave all your fears, all that keeps you down. And be all you can, all you wanted to. But you can't control it anymore. It's got a hold on you. Your life just seems to slip away. But you gotta be okay. Step out of the darkness and out from where you used to hide. Run towards the light and reach for all you hear and all you see. But you can't control it anymore. It's got a hold on you, and it seems just like your life is slipping away. oui, planant et, comment je pourrais dire, décapant en même temps. Ça nous venait de Pologne, Tides from Nebula, de l'album Safe Haven. On avait tout juste avant Airbag, le récent disque, ben, récent, il est sorti, là, oui, Disconnected. Et c'était, oui, c'est ça, hey, vous allez rire de moi, là, j'ai de la misère à me relire. Cripple Black Phoenix de l'album White Light Generator, la pièce We Remember You. Et on avait amorcé avec un Britannique, Steve Hughes, de l'album Once We Were, Part 1. Il va y avoir une suite cette année. Je pense que ça va être à la fin de l'année, je pense genre décembre 2016, donc la deuxième partie va paraître. Et je pense qu'il était comme un peu inspiré, le monsieur. Donc, Steve Hughes, Once We Were, c'est l'ancien batteur de Big Big Train, et je pense qu'il a joué aussi avec Kino, mais je veux valider, je suis pas sûr, sans que ça me rappelle quelque chose. Donc, c'est ça, on est revenu au point de départ de notre bloc, dernière demi-heure, et on va aller faire un petit tour du côté de l'Allemagne cette fois-ci, avec un groupe qui, je pense, c'est le cinquième album, Crystal Palace. La pièce que j'ai choisie, un petit peu de mordant, mais vous allez voir, ça alterne un peu. C'est le principe que Steve Wilson a appliqué avec Porcupine Tree. Donc, un peu de mordant, puis le whoop, un peu de douceur. La recette fonctionne encore avec Crystal Palace. C'est l'album Dawn of Eternity. Le temps de vous rappeler que c'était Incognita jusqu'à minuit avec Bruno et Michel. Évidemment, c'est sur les ondes de CKRL 89. Your dollar is in the world. desert stars, the shine and the scream of loss. When your love's mine for all your life, and the worm inside that eats you out alive. Thank you. he suffered, he broke bread into his holy venerable hands, and his eyes lifted up to heaven, unto God the Almighty Father, giving thanks to thee. He blessed, broke, and gave to his disciples, saying, take and eat ye all of this, for this is my body. This is my body. This is my blood. This is my blood. Sacred name. No one will understand life until the whole world is changed. Thank you.